Oui, ça avait l'air de bien aller. On s'est un peu décalé l'un ou l'autre, mais on s'est retrouvés. Qu'est-ce qu'on fait? On change de morceau? Qu'est-ce que t'en penses? On change de morceau. Quel morceau choisit-on? Non, ça va, ça va. J'ai l'impression que tu m'entends avec un léger décalage. Ok. Mais il faut changer le BPI aussi. Oui. Ok.